Alors, vous écoutez toujours Futur Simple sur CKRL 89,1 et nous terminerons l'émission avec notre chroniqueuse Christiane Dupont. Et Christiane, comme d'habitude, nous propose une nouvelle fois un sujet insolite. Il y a deux semaines, elle nous a parlé de l'effet de la musique sur le cerveau. Cette semaine, elle nous propose de manger des insectes et pourquoi? Pour sauver la planète. Christiane. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Depuis quelques semaines, nous avons franchi la barre des 7 milliards d'habitants. C'est beaucoup, beaucoup de bouches à nourrir, ça. La pression sur nos ressources naturelles est très forte et il devient difficile de trouver un équilibre. À cela, ajoutons la consommation d'espèces menacées, telles que plusieurs espèces de poissons et les effets sur les climats de l'agriculture et de l'élevage intensifs. Alors, existerait-il une solution plus durable pour nous alimenter? La réponse pourrait bien être, partout, tout autour de nous, soit les insectes. Alors, Christiane, en quoi la consommation d'insectes serait moins dommageable pour la planète? Bien, oui, alors, pourquoi décider de commencer à peut-être manger des insectes? Pourquoi ça deviendrait une option? Ouais. Hein, parce que c'est pas quelque alimentaire. Chose de naturel. Eh bien, parce que on a besoin de protéines de qualité, l'humain, pour bien se nourrir, on a besoin. Et puis, c'est vraiment la viande animale qui remplit ce rôle-là dans notre alimentation. Bien sûr, le végétarisme est de plus en plus populaire, mais c'est pas nécessairement souhaitable pour tout le monde. Bon, tout le monde est pas différent. Et puis, bon, c'est pas, même si c'est un courant, c'est pas tout le monde demain matin sur Terre qui va arrêter de manger de la viande. C'est un fait. Alors, faut être face à ça, faut être réaliste. Et puis, la production de viande d'élevage compte pour jusqu'à 18% de tout le CO2 qui est émis par l'homme. C'est juste pas négligeable. La donc, ouais. C'est presque un cinquième qui est vraiment qui est causé par la viande, pas vraiment les cheptels, par l'élevage. Mm-hmm. Donc, c'est significatif. Et puis, ces cheptels-là dégagent beaucoup également de méthane, qui est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le gaz carboné qui est émis à moins de 21 fois plus puissante. Mais, oui, exactement. Et puis, ce sont principalement les ruminants qui en dégagent lors de leur digestion, donc les vaches, par exemple, très bon exemple. Et il ne faut pas oublier toute l'énergie nécessaire pour faire pousser les plantes qui nourrissent les animaux. Il faut transporter tout ça, il faut chauffer, il faut... Quand on prend... Tiens ça en compte, c'est énormément d'énergie qui est utilisée pour élever les animaux qu'on mange. Et donc, la consommation d'insectes pourrait devenir une option qui est plus intéressante, puisqu'elle représente une excellente source de protéines de très haute qualité. C'est très nutritif, les insectes. Souvent, c'est ce qu'on dit. Hein? À masse, à poids égal, un kilo de viande et un kilo d'insectes, souvent beaucoup plus de vitamines, de très bonnes protéines, des minéraux, beaucoup plus qu'un kilo de bœuf, par exemple. C'est sûr que c'est rare, les insectes gras, là. Oui, oui, il faut en manger en très grande quantité. Oui, c'est des protéines, mais c'est vraiment pas pareil. Et c'est intéressant parce qu'il y a un groupe de scientifiques néerlandais de l'université de Wageningen, qui ont mesuré la production de gaz à effet de serre de différents insectes lors d'un élevage d'insectes à petite échelle. Donc, ils ont utilisé 5 espèces qui sont assez communes un peu partout sur la planète. Alors, le ver à farine, le grillon domestique, le criquet, le citoyen du Kenya, que je ne connais pas, et la blatte géante d'Argentine. Juste le nom nous fait un peu frémir, on dirait. Mais bon. Puis les résultats, ça donnait quoi? Et puis, résultat, la quantité de méthane est négligeable, évidemment, parce qu'ils n'ont pas du tout le même processus de digestion qu'une vache. Et puis, la production de gaz à effet de serre est beaucoup plus faible, à poids égal, évidemment. Là, ils ont tout ramené ça en proportion égale. Pour qu'on puisse comparer. Là. Oui, évidemment. Il est beaucoup plus faible. Il représente environ seulement 1% de ce qui est émis par les bovins. C'est vraiment pas beaucoup, là. Donc, ça serait vraiment un filon à exploiter. Est-ce qu'on a des explications? Eh bien, oui. Une des explications serait que, première, c'est que les insectes sont à sang froid. Donc là, déjà, on parle pas de mammifères. Hein? C'est des poéchylothermes, pour avoir le terme précis. Okay. Alors, les insectes ne dépensent pas d'énergie pour se réchauffer. Donc, dégagent, du coup, beaucoup moins de gaz carbonique, de gaz à effet de serre, pardon. Gaz carbonique également. Donc, les installations nécessaires ne sont pas les mêmes non plus. L'alimentation est beaucoup plus simple. C'est vraiment moins problématique de nourrir des insectes que de nourrir des vaches. Tout à fait. Voilà. Est-ce que ça veut dire que d'ici quelques années, on pourrait avoir des insectes au menu? Oui, un universitaire, un entomologiste de l'université de Wageningen, a d'ailleurs indiqué qu'un jour viendra où un Big Mac coûterait environ $120 et un Bug Mac, comme il l'appelle, bug étant insecte exacte en anglais, coûterait seulement 12 $. Donc 10 fois moins. 10 fois moins parce que c'est des protéines de qualité qui seraient beaucoup moins chères à produire. De toute façon, ils pourraient déjà commencer à mettre plutôt que de mettre des céréales dans. Oui, dans la peau des insectes. Mais d'ailleurs, petite parenthèse, je lisais là-dessus, puis il y a des normes dans tous les produits transformés, le chocolat, les céréales. Oui, oui, oui. Il y a des normes de pourcentage d'insectes, de débris d'insectes qu'on peut retrouver. Donc, on en mange déjà des insectes. Sans savoir. Sans savoir, une palette de chocolat industriel faite dans une usine, forcément, il y a des débris d'insectes dans les céréales, le riz qu'on achète. Il y a plein d'insectes. Tiens. On en mange déjà. OK. Aussi, question productivité, il faut environ 10 kg de végétaux pour faire 1 kg de viande pour nourrir, alors qu'avec 10 kg de végétaux, on peut faire de 6 à 8 kg d'insectes. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Ouais. Mais il faut combattre une foule de préjugés, c'est certain, hein, parce que la blatte géante d'Argentine ou le grillon domestique, ça ne sonne pas, ça ne fait pas saliver. C'est pas très, très appétissant comme nom, là. C'est ça, les gens ont une association, c'est sale, dans la nourriture. Ça transporte des virus, oui, c'est ça. Tout ça, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Mais pourtant, il me semble que les insectes sont déjà consommés depuis longtemps dans le monde. Oui, exactement, et depuis la nuit des temps. Hein, c'est une source depuis très, très longtemps. Oui. C'est parce que c'est très accessible et c'est très nutritif. Il y en a partout, en plus. Il y en a partout, en Amérique du Sud, au Mexique, par exemple, des fourmis frites et les tarentules au Venezuela, manger de jeunes abeilles au Japon, des sauterelles sautées à l'ail et au piment au Mexique, qui est très... Et puis, il faut vraiment penser que... faut pas oublier que les goûts alimentaires sont vraiment beaucoup forgés. C'est très culturel, ça. Très local. En Inde, manger du bœuf, ça n'a pas de bon sens. Ici, il y a plein de... Ça peut être religieux, ça peut être de plein de... Plein de raisons, mais c'est très, très culturel ne pas aimer manger ou aimer manger quelque chose. D'ailleurs, je pense que c'est pas en Afrique qu'on mange justement beaucoup d'insectes, oui, déjà. Il y a beaucoup d'insectes aussi qui se mangent en Afrique. Ils sont très abondants là-bas. Abondants, les termites, il y en a tout plein. Dans certaines communautés mexicaines, par exemple, ils vont manger des sauterelles avec un peu de lime, puis tout ça. Et, mais ils trouvent, manger des crevettes, ils trouvent ça dégoûtant. Et puis, il faut pas. D'ailleurs, beaucoup de peuples trouvent manger des écrevisses, les homards, les crevettes, qui sont un peu les détritivores de l'océan, de l'eau. Quand ils pensent, ils mangent des déchets. Et puis pour plusieurs peuples, nous, on trouve ça, waouh, c'est excellent, des crevettes, le homard, c'est très, très un plat relevé. Alors qu'il ne faut pas oublier que sous un autre angle, ça pourrait avoir l'air dégoûtant également. C'est un fait. D'ailleurs, ce n'est pas une bébite très agréable à voir. Non, le homard, non, c'est là. Ça. Ben, ça fait primitif un peu. C'est un peu la même grande famille des arthropodes, d'ailleurs, des insectes. Donc, il y a quelque chose qui revient avec ça. Donc, la solution serait. Idéalement pour introduire les insectes dans le monde occidental, disons, ici, là, en Amérique du Nord, il faudrait dénaturer le plus possible pour ne pas reconnaître la forme de l'insecte. C'est ça, donc les mettre en poudre en ou... En poudre, qui est une sorte de poudre de protéines, des boulettes ou des saucisses végétariennes, mais qui ne sont pas végétariennes, mais bon, qui sont insectes, ou comme un certain producteur aux États-Unis qui voulait se lancer là-dedans, on recouvre ça de chocolat parce que tout le monde aime les trucs recouverts de chocolat. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que c'est possible, ici, d'élever des insectes, de faire l'élevage de ça? Oui, les insectes, contrairement aux grands mammifères, aiment se sentir, excusez-moi l'expression, prisonnier, pogné un peu. OK. C'est facile d'avoir des groupes de plusieurs milliers d'individus. Comme les fourmis, par exemple, ou les abeilles. Ou... Beaucoup moins de risques de maladies transmissibles à l'humain. Parce que des mammifères qui côtoient d'autres mammifères, à une température corporelle à peu près la même, évidemment, il y a un vecteur. Ouais. Les maladies peuvent passer. Tandis que les insectes et les humains sont physiologiquement très, très, très éloignés. Donc, il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait des maladies qui se transmettent de l'un à l'autre. Et ils vont se nourrir facilement, comme on disait tantôt, de plusieurs déchets. C'est des recycleurs naturels. Ils peuvent manger pas mal d'affaires. Du carton, c'est pas trop compliqué de les nourrir. Des éboueurs de la nature. Des éboueurs de la nature, les recycleurs. Mais écoute, Christiane, je vais essayer de voir si je peux pas mettre ça sur mon menu. Je sais pas. Ça se vend-tu un peu, ça, déjà, dans certaines boutiques? Il y a des éleveurs, je pense qu'à l'insectarium de Montréal, ils font des dégustations qui sont très courues chaque année. Des espèces de grillons grillés. Personnellement, j'ai déjà mangé des grillons à la sauce barbecue. C'est bon? Ah oui? C'est pas mauvais, comme on dit, ça goûte le poulet. Hein. Tout le monde, des choses bizarres, on dit toujours ça. Mais franchement, c'est pas mauvais, des grillons d'élevage, là, pas un grillon pris dans le fond. Sans enlever l'idée que... En fait, c'est parce qu'on voit la bibitte, là, c'est ça qui... On voit la bibitte, mais... je veux dire, il y a plein d'autres choses qu'on mange qui pourraient avoir l'air dégoûtantes, mais c'est juste qu'on s'est habitué culturellement. Donc voilà. Merci, Christiane, de nous avoir aidé à nous préparer mentalement à retrouver, en fait, un jour des insectes dans nos sandwichs. Alors, au moins, ces sandwichs seront croustillants. Oui, ça va, c'est certain.